Le monde c'est un théâtre, faut apprendre à jouer son rôle. Stair ou spat, je vais pas finir d'un cancer ou mal à la prostate. Je crois que je vais finir d'un mal cardiaque. Dans mon crâne c'est la crise, j'en veux au monde et je l'emmerde, ça c'est plus une surprise. J'en veux à la haine, je cherche la paix, regarde ma mine, dévastée par l'envie de vaincre, je suis en période de guerre. Je dîne seul, je marche seul, j'ai plus confiance en rien, mais moi je me fais flipper. Alors imagine, j'en veux à l'État, ne vis que pour les taxes, ils me prennent 56 et je fais toujours la queue pour mes problèmes de femme. Quand je vis dans la crasse, on m'insulte. Quand je vis dans la classe, c'est l'insulte. Je suis leur pute préférée, comme dirait-il. C'est dingue. Et si je prends la révolte, comme dit Spock Gen, je me suis battu gratuitement pour rester droit. J'en veux au monde et ses théories. C'est un acharnement. Je peux durer que ce soir, je suis pas festif. Risque des bombes, de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde. Risque des bombes, de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde. Mes aïeux me protègent, les bruitages sont ceux d'un cœur qui bat. Les grandes douleurs sont muettes qui auraient cru pour Kurt Cobain. J'en viens de ce sanctuaire où être seul devient l'exultoire et je tords des démons prochains. Mystère, le ciel m'a demandé d'être bon. Mais si je continue, je vais finir par y croire qu'on me traite de con. J'en veux au monde, mais je suis pas martyr. Je suis mortel car mes raps sont des testaments. Je suis une ombre maléfique pour les gens que je hais. Ils planent une atmosphère louche, mais moi j'ai rien enclenché. Je ne fais que répondre aux claques par des patates. Ne me parle pas de justice, je deviens bâtard et porte bien mon nom de kleps. J'en veux au monde et du monde m'en veut. Ils me le rendent bien chaque jour, j'essuie des balafres sur ma caisse, négro. Tu veux la vision d'un monde instable? Je rentre dans l'histoire. T'as frappé à la bonne porte. Les feux des bombes de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde. Les feux des bombes de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde. Le tonnerre gronde, les bombes abondent et dans les songes. C'est le désastre, les cris remontent, rien n'est simple. Tout bascule, prenons les masques à gaz. Les époques se bousculent, ça dégénère, je suis montré du doigt. On me préfère peut-être à la ramasse, ou filtré par les flics. Mais j'emmerde tout le monde qui me veut d'aide. J'ai planqué mon or, mon Dieu, je suis à ta merci, j'ai pas besoin d'aide. De ces mecs qui pourraient faire volte-face, mais vous inquiétez pas. Les visages, les démasqués, je vous divulgue de vive voix mes voeux. Deux fois plus péter la baraque et faire profiter ma clique. J'avoue à ce monde qui a dit pitié incapable de faire un album. En voilà deux, appelle-moi incroyable. J'en veux au monde et ce que t'oublies, c'est qu'un chien en rage, mort, même dans le luxe. Les feux des bombes de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde. Les feux des bombes de brûler le tonnerre fronde. Les larmes coulent, panique, le pays s'écroule. À chaque seconde, alerte sur les ondes. C'est la crise, j'en veux au monde.